Leçon 9. Neuvième leçon. Ma chère Anne. Première partie. Voilà Monsieur Redon. Soyez les bienvenus dans mon bureau de tabac. Je suis propriétaire de mon bureau de tabac. Depuis longtemps. Je vends des journaux, des revues, des bonbons, des cartes postales, des timbres-poste. Je vends aussi des pipes, des cendriers. Et naturellement, du tabac. Et des cigarettes. Mais moi, je ne fume pas. C'est très mauvais pour la santé. Souvent, ma femme m'aide. Et je travaille avec elle. Quelquefois, je la laisse toute seule. Je lui laisse les clés de la caisse. Ce matin, il y a peu de clients. Il fait froid et il pleut un peu. En général, le matin, j'ai peu de travail.